Mes amis, j'ai pris une grande leçon de management hier soir. J'étais au Parc des Princes pour le match Paris-Marseille. Mon ami Vaïd, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, m'avait invité pour me montrer sa nouvelle technique de motivation des joueurs sur la pelouse. Dans un premier temps, j'avais montré à Vaïd ma reconnaissance et ma solidarité en balançant des objets divers sur le quart des joueurs marseillais. Une fois dans le vestiaire, le Vaïd, il a dit à ses joueurs « Vous jouez ce soir contre Saloperie marseillais. Si vous le vouloir perdre, pas de problème pour Vaïd, ça va être problème pour vous et famille vous. Ce soir, Vaïd envoyait chez vous ami de lui pour tenir compagnie à femme vous. Ami Vaïd spécialisé dans torture électrique. Si vous pas marquez de but au bout de 15 minutes, Vaïd téléphonait au hasard pour demander des charges 10 000 volts sur femelle. Vous pouvez croire Vaïd 10 000 volts empêcher femme faire cuisine une semaine. Si enfoiré marseillais marquait but, Vaïd demandait toutes les femmes joueurs PSG recevoir 20 000 volts sur les seins. Vous pouvez croire Vaïd 20 000 volts sur les seins empêcher femme mettre soutien-gorge 3 semaines. Si à la fin du match, Marseillais fumier gagné, Vaïd demandait femme joueur PSG reçoit fleur au cimetière. Si Paris Saint-Germain gagnait, joueur PSG avoir récompense. Eux pouvoir jouer avec femme encore 2 jours avant prochain match contre le cafard marseillais. Ah ben croyez-moi Christophe, ça marche la méthode Vaïd. À part une ou deux décharges, les femmes peuvent remercier les joueurs du PSG. Après le match, on a tous fait la fête. On était les retrouver, c'était la bonne surprise. Les femmes des joueurs, elles étaient dans un haut lieu des soirées parisiennes. Le donjon. Tu connais Christophe? Non, mais tu vas nous éclairer. Elles étaient toutes là, attachées à attendre leur mari. Ah, comme le Vaïd, il est resté très enfant, il a organisé un jeu. Les joueurs, ils avaient les yeux bandés, ils devaient reconnaître leur femme à la voix. Le truc qui est drôle, c'est qu'avec des électrodes de 15 000 volts accrochées aux narines, elles ont toutes la même voix, les bougresses. En gros, ça donne ça. Ah oui, c'est... Bah non! Par la suite, Vaïd m'a dévoilé son plan pour le déplacement à Marseille mercredi. Cette fois, les femmes sont laissées au repos. Vaïd va emmener les mamans des joueurs. Juste avant le début du match, il va les faire accrocher tout en haut du stade. Et quand un des joueurs ferait une connerie, boum, sa mère sera lâchée sur la pelouse de plus de 30 mètres. Génial! Oh, il fait sa fine bouche. Je crois que il a trouvé un truc, mon Vaïd. Ça m'étonnerait pas que le PSG finisse champion de France avec une ou deux coupettes sous le bras cette saison. Ils sont forts, ces gitans. Allez, au revoir.